بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. parler de la religion de l'islam qui est un don précieux qu'Allah عز وجل nous a accordé et c'est même le bien le plus précieux. Et il faut donc préserver cette religion et s'éloigner de tout ce qui pourrait la mettre en danger. Et pour montrer la grande valeur de cette religion, et je demande aux frères qui écoutent de s'asseoir, et d'écouter un cours allongé ne fait pas partie des bons comportements, donc ceux qui écoutent doivent s'asseoir correctement et respecter les règles de l'assise. Et pour montrer cet immense bien, c'est que celui qui ne possède rien possède tout avec sa religion. Celui qui est pauvre, qui n'a pas de toit, etc., mais qui est musulman, eh bien, en réalité, il possède tout lorsqu'il a cette religion. Un hadith qui est court dans ses phrases et ses mots, mais dont les sens sont extrêmement nombreux, et dont les morales sont extrêmement bénéfiques, et c'est un hadith que chacun doit apprendre, comprendre et avoir à l'esprit à chaque instant. Ce hadith est le hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par une bonne, car elle l'effacera, et comporte-toi avec les gens de la meilleure des façons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, et le prophète alayhi salatu wa sallam aimait beaucoup et appréciait beaucoup Mu'adh ibn Jabal. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh: oh Mu'adh, je t'aime, et ne laisse pas, lorsque tu termines la prière obligatoire, n'oublie pas de dire Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar 33 fois jusqu'à la fin du hadith. Et ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit, est court par ses termes, mais extrêmement long par ses sens. Et ceci est un des dons qu'Allah azzawajal a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir de concentrer de nombreux enseignements en quelques phrases ou en quelques mots. Cela n'est pas donné à tout le monde. Et c'est même une des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit: utitu jawami al-kalim, on m'a accordé le rassemblement des phrases, si l'on peut traduire textuellement, à savoir on m'a donné le don de rassembler, c'est-à-dire des enseignements, des morales, des sagesses en quelques phrases. Le conseil qu'a dirigé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le premier, à Mu'adh, est de craindre Allah où que tu sois. De craindre Allah où que tu sois, en tout temps, en tout lieu, en toute situation, à toute époque. Car Allah azza wa jal est sans cesse avec toi, par sa science, par sa vue, par son oui, par son contrôle, par son règne, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, où que tu sois, tu dois le craindre. Que tu sois dans les airs, que tu sois sur la terre, que tu sois sur la mer, que tu sois sous terre, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala en tout temps, que ce soit en 2009, que ce soit en 2014, que ce soit en 3080, quelle que soit l'époque dans laquelle tu vis, eh bien, tu ne dois pas te séparer de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci prouve que l'islam n'est pas une religion que l'on met en pratique dans des jours bien précis, ou dans des moments bien précis, ou dans des endroits bien précis, comme le font les autres religions, le christianisme en l'occurrence, qui font leurs adorations le dimanche, ou dans des jours bien précis, dans des endroits bien précis, puis le reste du temps, eh bien, ils s'autorisent tout ce qu'ils veulent et font tout ce qu'ils considèrent bon pour eux. Et en comparant le musulman et les non-musulmans, eh bien, en réalité, ce sont les musulmans qui sont libres. Ils sont libérés car ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala et se conforment à ses enseignements, à ses obligations et délaissent les interdits d'Allah azawajal. Et ce sont ceux qui s'autorisent toutes choses. Ce sont ceux qui courent derrière leurs passions, derrière leurs désirs, qui sont en réalité des prisonniers, prisonniers de leurs passions. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire ce que leur passion leur dicte de faire, ce que leur désir leur suggère de faire. Quant au musulman, il est libre et il ne suit pas ses passions, car il a des limites à ne pas dépasser, des limites qu'Allah Azzawajal lui a informées et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracées et délimitées. Et il faut savoir qu'Allah Azzawajal, lorsqu'il nous ordonne une chose, cette chose ne peut être qu'un bien pour nous. Et lorsqu'il nous ordonne une chose, celle-ci ne peut être qu'un bien pour nous. Et lorsqu'il nous interdit une chose, cette chose ne peut être qu'un mal pour nous. C'est-à-dire la chose qu'il nous interdit de faire. Que tu comprennes cela ou que tu ne le comprennes pas, que tu constates les effets ou que tu ne les constates pas, sache qu'Allah Azzawajal, lorsqu'il ordonne une chose, c'est pour ton bien. Et lorsqu'il interdit une chose, c'est pour ton bien. Que tu le constates dans l'immédiat ou que tu ne le constates pas, sache qu'il y a derrière cela une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azawajal, c'est lui ton créateur. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui, d'une goutte de sperme, a fait de toi un être humain parfait, un être humain complet, avec les facultés nécessaires à ta vie, à ton évolution, à ton adaptation et au fait que tu sois apte à l'adorer subhanahu wa ta'ala et que tu sois responsable de tes actes, de tes faits et gestes. Et ce créateur subhanahu wa ta'ala t'a envoyé un prophète pour t'enseigner ce qui t'est autorisé de faire et ce qui ne t'est pas autorisé de faire. Tu es dans une faveur où tu es en train de vivre une faveur énorme qui est d'être au pèlerinage et d'accomplir le pèlerinage de la maison sacrée, d'accomplir cette obligation de la vie. Et sache qu'en soi ta présence ici est un bienfait d'Allah Azzawajal sur toi. Car combien de personnes, lorsqu'ils regardent la télévision ou lorsqu'ils suivent les informations, eh bien leur cœur brûle d'envie d'être à notre place et leurs yeux coulent des larmes en espérant un jour être dans la place dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous sommes et accomplir cette obligation d'Allah Azzawajal. Prends donc conscience de ce bienfait d'Allah Azzawajal qu'il t'a accordé et ne fais pas partie de ces pèlerins qui, lorsqu'ils sont dans cette terre sacrée, dans ces jours bénis, regrettent leurs péchés, pleurent sur ce qu'ils ont commis comme désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et regrettent du plus profond de leur cœur toutes les déviations ou toutes les choses mauvaises qu'ils ont pu accomplir durant leur existence. Puis, lorsqu'ils retournent dans leur pays, les habitudes reprennent le dessus et ils retournent et recommencent à tomber dans les péchés et dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala en oubliant. le pacte qu'il a fait avec Allah Azzawajal lorsqu'il était ici, il invoquait Subhanahu wa Ta'ala en oubliant tous ses regrets profonds qu'il avait dans cet endroit et dans ces jours bénis. La religion est donc un bien immense et il faut le préserver et ne soit pas influencé par ceux qui n'aiment pas l'islam, par ceux qui dénigrent l'islam, par ceux qui se moquent de l'islam. Et lorsque tu vois une personne ainsi, remercie Allah Azzawajal de t'avoir préservé de cet égarement et de cette mécréance. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui voit une personne éprouvée, puis qui dit, Alhamdulillah alladhi afani, louange à Allah qui m'a préservé de l'épreuve dont sont victimes beaucoup de gens et qui m'a priorisé et qui m'a comblé entre l'ensemble de ces créatures, sans qu'Allah Azzawajal ne l'épargne de cette épreuve. Ainsi, lorsque tu vois une personne dénigrer la religion, se moquer de toi, eh bien, remercie Allah Azzawajal de t'avoir guidé dans le droit chemin. Et ceci, en réalité, ne doit que te renforcer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, priait devant la Kaaba en se prosternant pour Allah Azzawajal, et les polythéistes sont venus verser des boyaux de chameau ou d'une chamelle qui avait été fraîchement sacrifié et égorgé, puis dépecé, versant ses boyaux de sang et d'excréments sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci n'a fait que renforcer le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dans son appel à la religion d'Allah. Les polythéistes plaçaient des épines dans le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont traité de menteur, ils l'ont traité de poète, ils l'ont traité de sorcier sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela ne l'a fait que le renforcer dans son appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc craindre Allah où que tu sois. Craindre Allah, c'est une parole qui est vaste et qui englobe d'énormes ou de nombreuses adorations à Allah Azza wa Jal, comme de prier à la mosquée, comme de préserver tes yeux, de préserver ta langue, de préserver tes oreilles, de préserver ton organe génital, de préserver ton cœur de tout ce qui pourrait le dévier du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en délaissant toutes ces choses, ou toutes ces choses interdites, il faut que tu aies toujours à l'esprit cette promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, lorsqu'un serviteur délaisse une chose pour Allah, Allah lui en donnera ou lui remplacera celle-ci par une bien meilleure. Lorsque tu délaisses une chose pour Allah Azzawajal, Allah Azzawajal te donnera beaucoup plus et te remplacera cette chose que tu as délaissée pour lui par une chose encore meilleure. Ainsi, celui qui s'éloigne de l'usure, celui qui s'éloigne de consommer l'usure, eh bien Allah Azzawajal lui remplacera cela par une chose bien meilleure. Et celui qui délaisse une passion pour Allah Azzawajal, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala te remplacera cela par une chose meilleure et qui te rapprochera d'Allah Azzawajal, alors que cette passion était bien plus mauvaise et au lieu de te rapprocher d'Allah, elle t'éloignait de lui subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit entre autres qu'Allah Azzawajal est généreux, c'est le plus généreux des généreux subhanahu wa ta'ala, et comment le généreux ne puisse pas donner plus à celui qui a délaissé une chose pour lui, subhanahu wa ta'ala. La piété est vaste, elle englobe aussi l'obéissance aux parents, elle englobe aussi le fait de subvenir aux besoins de sa famille, de s'éloigner de toute forme de polythéisme et entre autres la sorcellerie qui est qui est l'un des péchés les plus ignobles, l'un des péchés les plus horribles, l'une des désobéissances à Allah Azza wa Jal les plus cruelles, qui fait du mal aux gens, qui sépare l'homme de sa femme, qui détruit des familles, qui anéantit des vies, ainsi, comme l'ont dit certains savants, celui qui s'adonne à ce genre de choses, celui qui commet de la sorcellerie sort de l'islam, et le juge musulman doit appliquer sur lui la peine de mort, même s'il se repent par la suite. Et ce qui aide à craindre Allah Azza wa Jal, c'est de se rappeler de lui. Et un salaf a été questionné, qu'est-ce qui aide à baisser le regard? Qu'est-ce qui aide à préserver son regard et à ne pas porter son regard sur des choses interdites? Et il a répondu par une réponse sage qui, pour celui qui l'apprend et la comprend, l'aidera sans cesse à préserver ses yeux des interdits. Il a répondu, sache où ce qui va t'aider à baisser le regard, c'est de savoir qu'Allah te voit avant que tu ne regardes cet interdit. Sache qu'Allah te voit avant que tu ne regardes cet interdit. Car Allah Azza wa Jal a la connaissance de toutes choses. Il voit toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Il voit la fourmi noire sur le rocher noir dans une nuit noire, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal entend toutes choses. Et ce qui, ou à titre d'exemple, ce qui prouve qu'Allah Azza wa Jal entend toutes choses, est l'histoire de Khawla bint Tha'laba radiallahu anha, qui s'est vue expulsée par son mari lorsqu'il lui a dit « Tu es pour moi comme le dos de ma mère ». Et ceci était une expression avant l'arrivée de l'islam qui était considérée comme un divorce. Et Khawla bint Tha'laba radiallahu anha est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiallahu anha nous raconte ce récit que Khawla radiallahu anha est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison, dans la maison de Aïcha radiallahu anha, qui était une maison étroite. Et ce qui prouve l'étroitesse de cette maison est que le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il priait la nuit dans la maison de Aïcha, eh bien, lorsqu'il se prosternait, Aïcha radiallahu anha enlevait ses pieds pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse se prosterner. Et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam levé, elle rallongeait ses pieds à nouveau. Cela prouvait l'étroitesse de la maison de Aïcha radiallahu anha. Et Khawla bin Sa'laba est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, oh envoyé d'Allah, il a usé de ma jeunesse et je lui ai donné mon ventre, à savoir que je lui ai donné beaucoup d'enfants. Et une fois que mon âge soit avancé, eh bien, il dit que je suis pour lui comme le dos de sa mère. Autrement dit, qu'il la renie, qu'il la rejette. Elle s'est plainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha radhiyallahu anha dit qu'elle entendait certaines paroles et n'entendait pas d'autres. Alors que le lieu était étroit, cela prouve que Khawla s'est plainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon discrète et qu'elle a le plus possible baissé sa voix pour que cela reste entre elle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah Azza wa Jalla a révélé, depuis les sept cieux, Allah a entendu la parole de celle qui s'est plainte à toi. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Allah a entendu, c'est-à-dire qu'Allah a entendu, c'est une attestation d'Allah Azza wa Jalla qu'il a entendu toutes les paroles de cette femme qui est venue se plaindre à toi de son mari. Et Aïcha radhiyallahu anha a dit, Subhan alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat. Et Aïcha radhiyallahu anha a dit dans le début du hadith, gloire à celui qui entend toutes les voix. Allah Azza wa Jalla entend donc toutes les voix, toutes les personnes qui actuellement parlent dans cette terre. Il parle dans des endroits différents, dans des langues différentes, dans des sujets différents, dans certains par la voix haute, d'autres à voix basse, etc., etc., eh bien, Allah Azza wa Jal connaît chacune de ces conversations et connaît chacune de ces voix, subhanahu wa ta'ala. Il faut donc s'éloigner des péchés et de la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, car toute chose sera inscrite. Toute chose sera inscrite, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, le jour où il les ressuscitera, tous. Puis, il les informera de ce qu'ils ont commis. Et Allah Azza wa Jal a dit, « Ahsahu Allah wa nasur ». Allah l'a enregistré alors que eux l'ont oublié. Combien de choses tu as faites de mauvaises il y a de cela quelques années, quelques mois, voire quelques jours, que tu as totalement oublié. Tu as oublié, mais Allah Azza wa Jal n'oublie pas. Allah Azza wa Jal inscrit toutes choses. Et lorsque tu seras ressuscité et que ton livre te sera donné, tu trouveras dans celui-ci chaque mot que tu auras prononcé, chaque fait et geste que tu auras commis et accompli. Et il ne faut pas minimiser les péchés, aussi petits qu'ils soient, car tout péché, minime soit-il, c'est une offense que tu fais à ta propre personne. Il faut craindre Allah Azza wa Jal et redoubler de patience dans sa piété. Il faut redoubler de patience, surtout à notre époque, en laquelle les péchés sont partout. Les péchés sont en tout lieu, en tout endroit, à chaque coin de rue. Lorsque tu sors, eh bien, tu vois les péchés à ta droite, à ta gauche, devant toi, derrière toi. Tu as donc besoin d'être patient et d'avoir une persévérance qui va faire en sorte que tu préserves ta religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, en parlant à ses compagnons radiallahu anhum, il y a après vous, ou il y aura après vous, les jours de patience. Celui qui s'accrochera à sa religion sera comparable à celui qui prend une braise dans sa main. Il aura la récompense de 50 parmi vous. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, 50 parmi eux ou parmi nous? Et le professeur Hassan a dit, parmi vous. Cela prouve que plus le temps avance, et plus les tentations sont grandes et dangereuses, et plus le musulman doit redoubler de patience et de persévérance, et que cela sera de plus en plus difficile. Mais il faut être persuadé d'une chose, c'est que la récompense est proportionnelle à l'effort que tu auras accompli. Cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que les compagnons du prophète sallam, non. Ils ont des mérites inégalables que personne d'entre nous ne peut atteindre ou ne peut espérer d'avoir côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir été à ses côtés, de l'avoir soutenu, d'avoir vécu avec lui, et même ne serait-ce que de l'avoir vu sallallahu alayhi wa sallam suffit comme mérite qu'ils ont par rapport à nous. Mais il y a des choses que les compagnons n'ont pas vécues. Il y a des tentations dangereuses qu'ils n'ont pas connues à notre époque. Il n'y a aucun doute que s'ils vivaient à notre époque, ils l'auraient mieux vécu, ils l'auraient mieux perçu et ils l'auraient mieux géré que nous, radiallahu anhum. Mais le fait est là et qu'il y a des tentations dangereuses qui n'étaient pas existantes au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela nous prouve que la récompense d'Allah Azza wa Jal est immense nous concernant et qu'Allah Azza wa Jal n'offense en aucun cas ses serviteurs. crains Allah où que tu sois. Et ce qui va t'aider à craindre Allah Azzawajal, c'est également de te souvenir de la mort. Que la mort peut subvenir ou peut surgir à n'importe quel moment. Et la mort ne connaît ni les grands, ni les petits, ni les personnes âgées, ni les jeunes, ni les rois, ni les pauvres, ni ceux qui sont malades, ni ceux qui sont en bonne santé. Lorsque ton temps ou lorsque ton terme arrive, eh bien la mort vient t'emporter, quelle que soit la personne que tu es. Et combien de chefs d'État et combien de rois étaient assis sur leur trône, en ayant sous leur égide des millions de personnes qu'ils commandaient et qui obéissaient à ses ordres, et le soleil ne s'est pas couché sans que ce roi passe d'au-dessus de son trône à sa tombe de sous terre et quelques jours passent avant que les différents insectes de la terre commencent à ronger son corps. La mort suffit comme exhortateur et c'est comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la destructrice des passions et des désirs et des choses que tu apprécies. Il y a des choses que tu apprécies et lorsque tu te rappelles la mort, eh bien, le goût amer vient le remplacer. Puis le prophète Hassan m'a dit, et fais suivre le péché par une bonne action, car celle-ci l'effacera. Plus tu fais des mauvaises actions et plus tu dois faire de bonnes actions. Tu dois le faire car c'est grâce et par l'intermédiaire de ces bonnes actions que tu effaceras tes péchés et que tu blanchiras ta feuille. Le vêtement sale a besoin d'être lavé et plus tu le salis et plus tu auras du mal à le porter et plus tu subiras les nuisances de ces saletés. Ainsi, lave ce vêtement sale avec de l'eau et du savon qui sont les bonnes actions. Et plus tu laveras ton vêtement, et plus il sera propre, et plus tu feras de bonnes actions, et plus tu seras lavé de tes péchés. Puis le prophète Hassan m'a dit, et comporte-toi avec les gens de la meilleure des façons. Comporte-toi avec les gens de la meilleure des façons. Et le bon comportement est en soi une adoration à Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur atteint, grâce à son bon comportement, le degré de celui qui prie la nuit et jeûne le jour. De celui qui prie la nuit et jeûne le jour. Et le prophète Hassan a dit, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, ne t'énerve pas et tu auras le paradis. Il ne faut donc pas s'énerver, et l'énervement est l'une des causes qui fait en sorte que ton comportement ne sera pas louable, que les gens ne t'apprécieront pas et que ton comportement sera regrettable. Ainsi, lorsqu'un homme est venu voir le professeur Hassan pour le conseiller, le professeur Hassan a dit « ne t'énerve pas ». Et il a dit « et ensuite, le professeur Hassan a dit « ne t'énerve pas ». Et ensuite, le professeur Hassan a dit « ne t'énerve pas ». Et celui qui réfléchit à l'origine des mauvais comportements, celui qui réfléchit à l'origine des insultes, à l'origine des coups portés, des violences, celui qui réfléchit à l'origine de toutes les offenses, eh bien il verra que dans la majorité des cas, il y a comme début la colère. Et que la colère et ce qu'il y a derrière, combien de meurtres ont été commis à cause de la colère, combien de viols ont été commis à cause de la colère, combien de vols ont été commis à cause de la colère, combien de coups ont été portés à cause de la colère, combien de sang a été versé à cause de la colère. Il faut donc maîtriser cette colère, et cela est possible. Effectivement, la colère fait partie des choses innées qu'Allah Azzawajal a inculquées dans l'être humain, mais Allah Azzawajal t'a créé et t'a ordonné des choses et t'a interdit des choses afin de t'éprouver, afin de savoir lequel d'entre nous est le meilleur. Il faut donc savoir surmonter sa colère, savoir la contrôler. Et pour résumer le bon comportement, il se résume en trois choses. C'est le fait d'accomplir le bien et de diffuser le bien. De diffuser le bien autour de toi, quelle que soit la nature de celui-ci. Le bon comportement, c'est aussi de s'abstenir de toute offense. Abstiens-toi de faire du mal à qui que ce soit, quel que soit ce mal, que ce soit un mal verbal, que ce soit un mal physique, que ce soit une offense dans les choses de cette vie d'ici-bas, comme d'insulter, comme de voler, comme de frapper, comme de porter atteinte à l'honneur, etc., etc. Toute forme de mal doit être délaissée. Et également, fait partie du bon comportement de supporter le mal et de savoir patienter dans le mal. Tu vas faire du bien aux gens, tu vas les préserver du mal de ta langue et de tes mains, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi supporter le mal des autres. Lorsque des personnes te portent atteinte et lorsqu'ils te veulent du mal, tu dois supporter et patienter dans cela, car une bonne réponse et un bon comportement envers celui qui te veut du mal peut faire de ton ennemi ton ami, peut rendre ton ennemi ton ami, celui qui te veut du mal, et en donnant du mal, il reçoit une réponse sage, une réponse douce, une réponse qui est la meilleure qui puisse être donnée, eh bien cela va sans aucun doute avoir un effet sur cet offenseur et va faire de celui-ci ton ami après qu'il ait été ton ennemi. Et nous demandons à Allah Azzawajal de nous faire profiter de ses paroles et de ses enseignements et de les mettre en pratique. Il est, subhanahu wa ta'ala, le seul qui détient ce pouvoir. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.